Collège de France a été créé au XVIe siècle pour enseigner des matières qui ne l'étaient pas à l'université et pour développer un enseignement libre, mais l'esprit est resté. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Donc le Collège de France est une institution qui est faite pour la recherche fondamentale et pour lui permettre de se développer dans des conditions de confiance avec le temps qu'il faut pour que la recherche puisse se développer. Voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Quelles asymétries peut introduire le management par le talent ? Pour des ingénieurs bien diplômés, que recouvre au juste le vocabulaire de l'attractivité ? Demande le sociologue Pierre-Michel Menger. Quelles sont aujourd'hui les ambivalences de la valeur innovation ? Dans le contexte du modèle de la Silicon Valley et de la croissance par l'innovation et les hautes technologies. Quelles sont les dispositions à agir et à déployer ces capacités? Qu'est-ce que l'écart entre une demande et une offre de compétences ou de talents numériques, ce qu'on appelle le Digital Talent Gap dans la littérature managériale? Pierre-Michel Menger, titulaire de la chaire de sociologie du travail créateur, directeur d'études à l'EHESS, propose depuis l'an passé d'interroger la notion de talent et de réaliser des éléments de physique sociale des différences et des inégalités. Interrogé par le journal Les Échos en mai 2018 sur les usages du mot « talent » dans le management, le sociologue explique, et je le cite, que la notion de talent s'est répandue dans les entreprises après la publication du fameux rapport McKinsey, « The War for Talent », « La guerre pour les talents ». Nous retrouvons cette approche de McKinsey aujourd'hui, avec deux orientations très différentes, rappelle encore le sociologue. L'une est inclusive et désigne par talent tout le personnel qualifié des firmes en sollicitant ce qui fait l'équation de la méritocratie, mérite égale effort plus talent. L'autre orientation est exclusive. 10 à 20% des salariés dans les emplois très qualifiés ont une performance supérieure à la normale, 70 à 80% une performance normale et 10% sont sous-productifs. Le vocabulaire du talent correspond à des opérations de recrutement sélectif, non sur la base des acquis, mais sur des promesses de performance et de capacité. Le lexique anglo-saxon est prégnant. Nous allons nous familiariser avec le digital talent, ou compétences numériques, réparties en hard skills, comme l'analyse des données, et en soft skills, comme le fait d'être à l'aise avec des situations ambiguës, nous explique encore Pierre-Michel Menger. Des ingénieurs en nucléaire au secteur des high-tech, il interroge les outils de classification de hiérarchisation des métiers et note, et je le cite encore, « Plus on s'élève dans la hiérarchie des emplois, plus la distribution de la performance individuelle devient asymétrique. » Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France le 9 mars 2018 pour le cours de Pierre-Michel Menger, aujourd'hui « High-tech et talent, partie 1 ». Je vous ai présenté la dernière fois un cas du secteur financier, de la définition du talent dans le monde des finances, et où se sont engagés beaucoup d'étudiants, notamment issus des grandes écoles. Et je voudrais vous présenter d'abord un cas inverse, hein, qui est le cas de la pénurie des talents, et plutôt une pénurie par désaffection à l'égard d'un secteur. Ces éléments d'analyse que je vous présente sont moins scientifiques que ceux que je présentais la semaine dernière, mais l'information qui est contenue, que je vous fais figurer ici, que je tire d'un article d'une journaliste des Échos, m'apparaît suffisamment éloquente, cette information, pour que je vous la présente et je la commente brièvement pour illustrer le propos de cette variation de la définition du talent et du caractère contingent de cette définition. Le problème que je traite, c'est celui, ou que traite l'article plutôt, c'est le problème de la pénurie des ingénieurs, qu'on appelle aussi des talents, dans l'industrie nucléaire française. Je vous rappelle que l'industrie nucléaire, c'était naguère un champion national et une filière d'excellence. Elle s'est affaiblie de l'intérieur en raison de difficultés considérables de mise au point des centrales de troisième génération. Tout le monde en a parlé, on a entendu parler, de type EPR, et elle s'est affaiblie de l'extérieur sous la poussée des promoteurs d'une transition énergétique « nuclear risk adverse », anti-risque nucléaire. Par ailleurs, l'industrie nucléaire est une industrie qui est exigeante en personnel de haut niveau scientifique et technique. L'exigence de sécurité est grandissante, les coûts d'innovation sont très élevés, les accidents ont des conséquences catastrophiques, donc la tolérance à l'échec est très basse et l'exigence de compétences est très élevée. En outre, les chances d'exportation de la technologie nucléaire française ont été contrecarrées progressivement par le dynamisme des concurrents, Russie, Chine et Inde, et le modèle d'affaires de l'industrie nucléaire française paraît se heurter à des limites de compétitivité autant que de compétences. Par ailleurs, la compétition entre les secteurs économiques qui offrent des débouchés attractifs aux ingénieurs est très élevée, et la position relative de l'attractivité de l'industrie nucléaire recule sous l'effet des deux facteurs que j'ai mentionnés, internes et externes. Tout ça fait que le vivier des étudiants dans les formations scientifiques et techniques spécialisées se tarit pour ces filières et que les talents, comme on dit, issus des formations généralistes d'ingénieurs se détournent plus encore qu'auparavant vers l'informatique et aussi le conseil. Dans ces formations généralistes d'ingénieurs, le secteur du nucléaire perd du terrain. Les données sont ici. L'article est assez bien renseigné. Une enquête emploi Paris Mintech indiquait que 30% des jeunes diplômés de 2012 s'étaient orientés vers le secteur de l'énergie, mais aujourd'hui, ils ne sont plus que. En 2014, il n'y avait plus que 19% et en 2016, plus que 14%. Cette analyse, elle mérite. Bien sûr, d'aller au-delà, l'analyse que je mène mérite d'aller au-delà de ces éléments d'information qui sont saillants mais incomplets. Mais la leçon que je veux en tirer pour mon propos est assez simple. Quand on se situe dans le haut de la distribution des emplois qualifiés, la disposition à s'engager dans des métiers et des secteurs varie avec les chances plus ou moins élevé de développement de soi et de gratification de toutes espèces, monétaires et non monétaires, par exemple comme l'alignement de ses choix professionnels avec des engagements qui peuvent être citoyens ou politiques ou des choix d'intérêt général. Et les choix qui s'ouvrent aux ingénieurs bien diplômés sont d'autant plus sensibles aux facteurs d'attractivité que leur horizon de choix est vaste. La question évidemment qui surgit toujours, c'est que recouvre au juste ce vocabulaire de l'attractivité? En fait, une combinaison de facteurs qui se multiplient entre eux, ici avec des plus et des moins, des formations obsolètes ou rénovées, une ouverture internationale ou moindre qu'internationale, la scalabilité, comme je l'ai décrite la semaine dernière, un modèle d'affaires stabilisé ou en situation critique, des objectifs qui ont un sens privé, un intérêt privé et ou un sens public, saillant, surtout quand il s'agit d'une industrie nationale fortement dépendante de choix publics de l'État et des entreprises publiques. Cette combinaison de facteurs désigne tout simplement l'environnement avec lequel interagit la combinaison de qualités personnelles qui sont recherchées sous le nom de talent, compétences techniques, motivation, engagement, inventivité. À l'évidence, l'un des leviers les plus puissants de l'attractivité aujourd'hui, c'est l'innovation, conçue non pas comme un choc exogène, mais comme une production individuelle et collective faite de compétition et de coopération. Mais un second levier est le sens de cette innovation et sa valeur collective, marchande et non marchande. L'économie des plateformes est, à cet égard, l'épiphanie ou le comble de l'ambivalence. Mettre la science et la recherche technologique les plus avancées au service de l'innovation capitalistique génératrice de concentration de pouvoir économique les plus élevés qu'on ait connus, tout en proposant de rendre le consommateur plus souverain que jamais dans les choix qu'il peut faire, mais pas dans la surveillance des données qu'il peut produire. nous avons consacré un ouvrage à partir d'un colloque à ce sujet qui a été publié par les éditions du Collège de France cette année, enfin l'an dernier. Les jeunes et les moins jeunes talents scientifiques peuvent trouver, dans les moyens de recherche offerts par les entreprises de haute technologie et de biotechnologie, une alternative attrayante à la pratique de la recherche scientifique publique. Un environnement de performance individualisé, d'incitation multiple, de concentration de ressources, de culture du no limit, transforme la valeur d'innovation. Et la définition du talent est contingente à cet environnement changeant. J'y reviendrai. Une manière de continuer à explorer le sujet, c'est d'examiner cette sémantique, en fait philosophique, des dispositions qui sont au cœur de la notion de talent. Et ici, je voudrais saisir brièvement et à bras le corps cette question des dispositions, dispositions à agir, dispositions à exprimer ses caractéristiques, à déployer ses capacités. Et la question c'est, est-ce que invoquer des dispositions revient à manier des arguments fallacieux ? J'ai rappelé l'année dernière le fameux propos de Sartre qui, dans son grand livre sur Flaubert, écrivait à propos du talent que c'est une notion indéfinissable, qu'elle ne se révèle qu'au cours du travail, que c'est en réalité le succès attribué à l'œuvre a posteriori qui est projeté sur son auteur. Et ironiquement, Sartre parle alors de ces notions qui font penser à la vertu dormitive de l'opium, dont parle Molière dans Le malade imaginaire. Je vous rappelle que dans la pièce de Molière, un étudiant qui fait des études de médecine est interrogé sur les raisons qui font que l'opium fait dormir, et il répond que l'opium fait dormir parce qu'il a une vertu dormitive. Bien sûr, le trait est drôle et moque l'obscurantisme de ces arguments fallacieux qui expliquent un pouvoir ou une capacité par son résultat. Dans le cas du talent, ou en intensifiant le mystère et l'épreuve explicative dans le cas du génie, l'attribution d'un pouvoir causal à des capacités qu'on ne peut pas spécifier a priori, mais dont on soupçonne la présence chez l'individu qu'on admire, tourne court si ces notions désignent une cause certaine et directement identifiable du succès. Mais ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain aussi vite que le fait Sartre. Dans un livre célèbre, dont le titre en français est « La notion de l'esprit », et en anglais, le titre original, c'est « The Concept of Mind », le philosophe britannique Gilbert Ryle a consacré un chapitre aux dispositions et aux événements mentaux. Il écrit que les termes dispositionnels tels que « connaître »,« croire »,« aspirer » ou encore « intelligent » et « spirituel » sont des termes déterminables de disposition. Ils signifient des capacités, des tendances ou des inclinations à faire et non pas des choses d'un seul et unique genre, mais des choses de plusieurs genres. Ryle a donné auparavant l'exemple suivant. On peut parler de l'élasticité d'un matériau, mais s'il faut préciser les circonstances dans lesquelles se réalise cette potentialité, il faudra changer de vocabulaire et dire que l'objet X se contracte après avoir subi une extension, que l'extension va suivre la compression ou encore qu'il rebondit après un choc. Je cite, hein, « Il n'y a pas de verbe d'activité qui corresponde à élastique, comme c'est le cas de ruminant auquel correspond le verbe ruminer. » La raison de cette absence de parallélisme est claire, continue Ryle, il y a plusieurs réactions auxquelles on s'attend d'un objet élastique, tandis qu'il n'y a en gros qu'une seule réaction qu'on attende des animaux qualifiés de ruminants, ruminés. De même, il y a une grande variété d'actions et de réactions qu'on attend de l'homme qu'on décrit comme avide, tandis qu'il n'y a qu'une seule action prévisible chez l'homme qualifié de fumeur. Et Ryle en conclut ceci, certains termes dispositionnels sont très génériques et déterminables, tandis que d'autres sont très spécifiques et déterminés. L'argument de Ryle me paraît s'appliquer à cette propriété dispositionnelle du talent. la sémantique capacitaire du talent est précisément générale parce qu'elle ne se réduit pas à une seule qualité bien spécifiée, mais qu'elle s'applique à une combinaison de caractéristiques dont l'expression ou l'actualisation n'est pas provoquée par une seule classe de situations, mais par une variété de situations. Ce que contient la sémantique du talent s'apparente à cette élasticité ou cette plasticité d'une disposition générique qui est confrontée à des environnements variables et non routiniers qui sollicitent cette capacité de diverses façons. Les travaux philosophiques qui ont suivi sur les dispositions ont conduit à distinguer deux types de dispositions qui sont apparentées mais non identiques. Des dispositions conventionnelles, on les appelle ainsi dans le vocabulaire technique de cette philosophie, les dispositions conventionnelles et les dispositions canoniques. La première catégorie, celle des dispositions conventionnelles, se réfère à des prédicats généraux comme fragile, soluble, inflammable, dormitif, émotif, imaginatif, créatif, etc. Ces prédicats ainsi énoncés ne comportent pas de référence explicite aux conditions qui les stimuleront et qui les conduiront à se manifester. La seconde catégorie, celle des dispositions dites canoniques, est au contraire explicite sur les conditions et sur les manifestations de leur mise en œuvre. Telle substance est mortelle si elle est ingérée, mais elle ne l'est pas si elle est appliquée sur la peau ou simplement contemplée du regard. Tel corps est soluble dans l'eau, mais pas dans l'huile, etc. Pour passer de la caractérisation conventionnelle d'une disposition à sa caractérisation canonique, il faut donc préciser les conditions de sa stimulation et de sa manifestation, par exemple par une analyse contrefactuelle dont la forme la plus simple est conditionnelle. Un objet est disposé à réaliser M lorsque C advient, si et seulement si M adviendrait si le cas C se présentait bien. Là encore, on dira qu'il faut fournir à la disposition nommée talent ou aussi créativité des conditions ou des opportunités pour s'exprimer. Mais dans le cas de talent, nous avons affaire non pas à une disposition, mais à une combinaison de caractères dispositionnels. Et de fait, cette sémantique dispositionnelle foisonne tant du côté de l'individu que du côté de la caractérisation des conditions ou des opportunités de la modification des dispositions de l'individu. Je reprends la définition du talent que j'avais extraite d'un ouvrage qui a beaucoup fait parler de lui quand il a lancé l'idée de la guerre pour le talent, The War of Talent, qui est paru en 2001 et qui a ensuite s'est répandu comme une traînée de poudre, c'est le cas de le dire, dans le monde du management et des entreprises. Le talent, dans ce livre, est décrit comme la somme des abilities de quelqu'un, her or his or her intrinsic gifts, skills, knowledge, experience, intelligence, judgment, attitude, character and drive. It also includes his or her ability to learn and grow. Vous voyez bien qu'il s'agit d'une addition de termes dispositionnels, peut-être à l'exception de l'expérience et du savoir, mais Ryle lui-même classerait le savoir dans les dispositions, notamment parce que le savoir dispose à agir et à maîtriser son environnement, et mieux encore, il dispose à apprendre davantage. C'est un bien dont le rendement marginal est croissant, pour parler de manière un peu savante. Maintenant, examinons cette définition du talent qui s'est progressivement imposée dans la littérature managériale. Selon Capelli et Keller, des auteurs d'une très bonne revue de littérature sur l'évolution des significations et des pratiques du talent management, nous définissions comme talent, disent-ils, ces individus qui contribuent actuellement ou qui ont le potentiel pour contribuer différentiellement à la performance d'une organisation en occupant des emplois dits stratégiques, c'est-à-dire des emplois qui peuvent agir durablement sur l'avantage concurrentiel de l'entreprise. Donc le potentiel individuel se déploie dans un potentiel positionnel au service de l'avantage concurrentiel, nous dit cette définition. Aucune des caractéristiques mentionnées n'est autre que dispositionnelle. Évidemment, la qualification de l'environnement avec lequel il faut apparier les dispositions est une opération décisive. On doit, par exemple, ajouter à la nature plus ou moins stratégique de l'emploi dans une entreprise le caractère plus ou moins stratégique du secteur d'activité. Je viens de donner des exemples au début du cours, et la position concurrentielle stratégique de l'entreprise dans le secteur considéré. Nulle part aujourd'hui, la chasse aux talents n'est aussi active que dans le secteur des high-tech. Et les surenchères salariales sur les talents dans les grandes firmes de technologie numérique, ils sont le résultat d'une équation multiplicative qui applique à ce différentiel de talents un multiplicateur stratégique, entreprise, secteur, contexte concurrentiel. À la différence de la situation que je décrivais plus haut pour la pénurie de talents dans l'industrie nucléaire, nous avons affaire ici non pas à une désaffection à l'égard de formation pour des métiers et un secteur, mais à un ensemble de métiers, de technologies et de compétences qui font l'objet d'une demande croissante, à la fois en tant que secteur d'activité, le secteur des ICT, Information and Communication Technologies, ou TIC, comme on dit en français, et en raison de la pénétration de ces technologies numériques dans une variété croissante de secteurs. Je vous donne ici quelques indications sur l'intensité de la demande à l'égard de ces métiers. J'ai rassemblé des documents qui viennent du BLS, du Bureau of Labor Statistics des États-Unis. Je vous présenterai ensuite des données françaises. J'ai pris deux exemples, les software developers, et je les contraste ici avec les ingénieurs de l'industrie nucléaire. Vous voyez que le job outlook dans ces métiers pour la décennie qui vient n'est que de 4% pour les ingénieurs du nucléaire, lower than average. Et ici, pour les software developers, il est de 24%, donc much higher than average. Voilà une indication rapide. Ici, vous avez le salaire, il est à peu près équivalent dans les deux métiers, donc la compétition sera assez directe pour les ingénieurs qui se destinent ou non à l'un ou l'autre métier. Ici, ce sont des données françaises que j'ai extraites du tableau de l'économie française de 2018, donc elles sont toutes récentes, et d'un document de la DARES sur les métiers en 2022, ce sont des projections. Ça, c'est les données sur la production de valeur dans les différents secteurs. La France aime les arts, et donc les arts, les spectacles, les industries créatives ont une production en volume de services marchands qui est élevée, qui a augmenté beaucoup, qui continue à être très dynamique. Mais juste après viennent les activités informatiques et les services informatiques, devant la restauration, les autres services, les télécommunications, etc. Donc vous voyez que ce secteur est très en pointe maintenant. Et les emplois d'ingénieurs du secteur augmentent beaucoup plus vite que les autres emplois. Donc c'est un secteur qui est biaisé vers les hautes qualifications. Des recherches de toutes sortes d'origines, principalement académiques, mais aussi des entreprises de conseil et de services numériques, dont la cumulativité est d'ailleurs variable, documente avec plus ou moins de précision, mais avec une grande constance dans le constat, ce qui est appelé maintenant le Digital Talent Gap ou le Digital Skill Gap. Autrement dit, l'écart entre une demande et une offre de compétences ou de talents numériques aux différents niveaux de spécification des dites demandes et offres. L'écart peut être absolu s'il n'y a pas assez de candidats pour les emplois offerts, faute des compétences requises ou faute d'alimentation suffisante du marché du travail par le système de formation, mais la rareté peut être aussi relative, et celle-là va nous occuper beaucoup, car un emploi est toujours un processus d'appariement entre des caractéristiques de l'individu, compétences, expériences, préférences, prétentions salariales, réputation, etc., et les caractéristiques de l'entreprise et de sa demande précise. Le caractère relatif de l'écart peut être approché par la pression concurrentielle, le nombre de candidats pour l'emploi concerné, par la longueur du processus de recrutement. Il y a un coût de transaction pour s'assurer de la qualité de l'appariement et il y a des négociations sur les termes du contrat qui sont d'autant plus longues que le candidat ou la candidate a une valeur élevée, et par l'éventuel constat de l'excessive difficulté à recruter du fait de la concentration de la demande des employeurs et des concurrents de chaque employeur sur un petit nombre de talents, ce qui conduit à cette formulation singulière dont j'ai déjà parlé, de la pénurie des vrais talents. L'intensificateur vrai, agissant d'une certaine manière de façon redondante si on considère que le talent est déjà par lui-même un intensificateur, ou alors agissant de manière simplement qualificative si l'on tient talent pour le simple équivalent de travailleur qualifié. Une exploration de l'information dont on dispose sur la Tech Talent War, la guerre des talents dans les industries de high-tech, fournit presque invariablement les propos tels que celui de ce Chief Information Officer d'une grande société de conseil en informatique. Et ce Chief Officer, Information Officer, dit « My focus way recruiting is less on formal skills and work experience per se, and more on aptitude and ability. » Ma référence quand je recrute n'est pas sur des compétences formelles ou techniques, si on veut, et sur l'expérience de travail par elle-même, mais sur l'attitude, l'aptitude et ability. Attitude, aptitude and ability. Il faut ability, habileté, etc. Il faut jouer avec la sémantique. Le Collège de France et France Culture vous présente le sociologue Pierre-Michel Menger. Aujourd'hui, high-tech et talent, partie 1. Je vais vous présenter les résultats d'une étude qui a été réalisée en 2017 par le grand site, le grand réseau social, à vrai dire le réseau social professionnel le plus développé au monde, qui s'appelle LinkedIn, qui revendique 250 millions d'utilisateurs mensuellement actifs et le double à peu près de membres au total. Et cette étude a été réalisée en partenariat avec une entreprise française qui est la première entreprise de services du numérique en France et qui est d'ailleurs aussi numéro 6 mondial, qui s'appelle Capgemini. Et les données concernent l'année 2016. L'étude a été publiée, elle est facile à trouver, sous le titre « The Digital Talent Gap, Are Companies Doing Enough ?» Est-ce que les entreprises font assez pour résoudre le problème du Digital Talent Gap ? Ces données de cette étude n'offrent pas les mêmes garanties que pour les articles soumis à expertise avant publication académique, parce que je ne peux pas contrôler la méthode d'enquête, les procédures de recueil et d'exploitation des données, et que je ne dispose pas des sources primaires pour répliquer les résultats. Autant de conditions qui sont maintenant assez banales dans la recherche. Mais je considère les résultats, tout en les considérant avec prudence, je considère qu'ils sont intéressants, notamment pour les arguments et la construction des indicateurs. Qu'est-ce que c'est que le digital talent ? Le digital talent, c'est, selon la définition qui est adoptée dans cette étude, des rôles professionnels, des hard digital skills, such as data analytics, et des soft digital skills, Par exemple, dit le document, mais on va le détailler, comfort with ambiguity, être à l'aise avec les problèmes ou les situations ambiguës. Et donc, c'est une sorte de digital first mindset, comme on dit à propos de ces soft skills, et qui sont nécessaires, et on verra à quel point. Pour ce qui est des hard skills, voilà une liste. Cette exploration des hard skills, si on le détaillait, en fait, nous entraînerait dans la construction des appariements entre des savoirs techniques spécifiques qui sont requis, des tâches à accomplir et des compétences certifiées par des formations ou acquises par expérience. En fait, ce tableau-ci, et il continue là, il illustre simplement une division fonctionnelle des tâches à laquelle sont associées des compétences. Donc ça, c'est pour les hard skills. On a en fait un outil qui est beaucoup plus intéressant pour analyser les métiers, y compris dans cette division entre hard et soft skills. C'est un site qui s'appelle Onet, qui est un site américain qui a pris la succession d'un fameux Dictionary of Occupational Titles, dictionnaire des titres professionnels ou des appellations professionnelles, qui a été créé, le dictionnaire a été créé en 1938 aux États-Unis par le ministère du Travail, United States Department of Labor. Et le dictionnaire a fonctionné de 1938 à la fin des années 90. Ensuite a été créé ce site Onet, qui est accessible à tous, qui est très intéressant, je vous recommande vraiment d'aller voir, et qui permet de consulter pour un millier de professions à peu près, l'ensemble des caractéristiques, plusieurs centaines de caractéristiques, qui sont renseignées, non pas a priori, par quelques experts qui se sont mis autour d'une table, mais qui sont incrémentées, qui sont augmentées par les praticiens eux-mêmes, qui livrent leurs informations sur leur métier et sur la somme des caractéristiques qui doivent être renseignées pour augmenter la précision de la base et donner la description la plus complète possible de leur métier. Je vous donne juste les indications. J'ai pris ici un exemple d'une profession, Computer Systems Engineers and Architects. Et il y a donc, ça c'est l'image de l'entrée sur le site sur cette profession. Et sont renseignées les informations très détaillées, parfois par une vingtaine de rubriques, sur les tâches, les skills technologiques, les outils, le savoir... skills and abilities, les activités précises de travail, le contexte de travail, les lieux d'activité, l'education et les credentials, la formation et les titres requis ou pas, les intérêts, le style de travail, les valeurs de travail, etc. Et les revenus, évidemment, en moyenne, et les professions qui sont associées, qui peuvent être associées. Et les perspectives, les débouchés d'activités d'emploi sur le marché du travail. Ce métier se décompose ainsi, je ne vais pas tout évidemment détailler, mais je vous donne juste l'information comme ça visuellement, et je vais en sélectionner une sur laquelle je vais m'arrêter un peu plus longtemps, qui est le complex problem solving. Donc on a ici le savoir, ici les skills, et un peu plus loin, on a les abilities. Et les abilities comprennent compréhension orale, sensibilité au problème, expression orale, raisonnement inductif, compréhension écrite, etc., etc. Capacité de déduction, enfin bon. Sur ce métier-là, hein, je veux dire. Et ensuite, on peut les coter. Tout ça donne des indicateurs numériques qui permettent de hiérarchiser les emplois dans une catégorie ou une autre. Et je vais, comme je l'ai dit, me concentrer sur cet indicateur, le complex problem solving, qui fournit un des outils classiques de hiérarchisation des métiers. Les emplois, dans une approche assez simplifiée, peuvent être cotés par le niveau de complexité qu'on approche par un indicateur comme celui-ci. Pour vous donner l'idée de du résultat, j'ai tiré ici un classement des 32 premiers métiers en fonction du score de capacité, de abilities, de skill, de complex problem solving. Et vous voyez qu'on place en tête les chief executives, donc les CEO et tout le personnel, les C-suite, comme on l'appelle, c'est-à-dire les chiefs, les cadres dirigeants. Ensuite, vous avez ici les juges et les magistrats, les physiciens, les chirurgiens. Ici, vous avez les mathématiciens et là, les ingénieurs nucléaires. On les retrouve. Donc, je n'ai pas perdu le fil de ma démonstration. Mais ils sont à la 32e position, mais la liste est très longue. Elle comprend un millier de métiers. Donc, ils ne sont pas trop mal placés, mais malheureusement, le secteur est moins attirant qu'avant. Et là, vous avez des professions scientifiques, les biostatisticiens, les contrôleurs aériens. Enfin bon, ce sont des métiers sérieux, comme vous voyez. Et il s'agit vraiment de résoudre des problèmes, d'avoir une aptitude à résoudre des problèmes complexes. Ce descripteur est une variable analytique dans certains travaux qui sont assez connus et très cités sur la relation entre la productivité différentielle des travailleurs et la hiérarchie de complexité des emplois. Et ces recherches s'interrogent sur le problème suivant. Est-ce que, oui ou non, plus on s'élève dans l'échelle de complexité des emplois, plus le talent fera la différence? Est-ce que c'est une hypothèse qui peut être vérifiée? Et ce raisonnement sert de justification, au passage, et de manière très significative, à des différences croissantes de rémunération dans les entreprises qui allongent vers le haut, et vers l'intensité d'innovation technologique, l'échelle des complexités du travail. Je vous donne ici l'exemple d'un graphique qui est tiré d'un document de McKinsey qui s'appelle « Attracting and Retaining the Right Talent », qui date de 2017. J'ai sélectionné essentiellement des travaux récents, sauf celui sur lequel je vais m'attarder un peu plus longtemps à propos de ce différentiel de productivité selon la complexité. Et vous voyez que l'argument, c'est qu'il existe un productivity gap, un écart de productivité entre average performer and the high performer, celui qui travaille dans la moyenne et celui qui travaille très au-dessus de la moyenne. Et ici figure la complexité des tâches. Pour des tâches de faible complexité, l'avantage qu'a un travailleur très très compétent et très performant, elle n'est que de 50%, mais elle est tout de même de 50%. Voilà. Donc on n'est pas dans un monde plat. Mais à mesure qu'on s'élève dans la complexité, l'avantage grandit. 85% ici. Dans la forte complexité, il est de 125%. Et là, on atteint un score faramineux. Mais il y aura beaucoup à dire là-dessus tout à l'heure. Je vais progressivement m'y diriger, mais je vais laisser un peu le suspense durer. Ici, on a un score de 800%. En fait, les données de ce graphique sont tirées d'un article qui est souvent cité de Hunter, Schmidt et Judish, qui s'appelle « Individual differences in output variability as a function of job complexity ». Les différences individuelles de output, de résultat, de production du résultat, et la variabilité de cet output en fonction de la complexité de l'emploi. Les auteurs de cet article se sont précisément fondés sur le « Dictionary of Occupational Titles », dont j'ai parlé tout à l'heure. L'article date de 90, avant qu'existe le site Onet, mais des travaux ultérieurs ont maintenant travaillé sur le site Onet. Il est très utilisé, ce site en ligne. En tout cas, les auteurs dont je parle ici se sont fondés sur le dictionnaire en question et sur ces principes critériologiques de classement et de hiérarchisation des emplois. Et la complexité, la job complexity, est le critère qui leur sert à hiérarchiser ces emplois. La complexité, je le rappelle, en théorie physique et statistique de l'information, elle est définie comme le volume d'informations à traiter, ou dans le langage des auteurs de l'article, comme les information processing demands, les demandes de processer l'information, pardon pour les anglicismes, de traiter l'information. Et le classement des emplois par niveau de complexité aboutit, pour ces auteurs, et sans surprise, à cinq niveaux qui correspondent à une hiérarchie des professions et des catégories qui est assez similaire à ce qu'on trouve, par exemple, dans les nomenclatures comme celle de l'INSEE. Les niveaux les plus élevés de complexité sont les emplois managerial professional et aussi ce que les auteurs appellent le complex technical setup work, c'est-à-dire le travail dans un système technique complexe. La position moyenne de complexité est occupée par la plupart des emplois skilled, et c'est-à-dire des emplois techniques, des emplois intermédiaires d'encadrement, first line supervisor, des contremaîtres, si vous voulez, par des emplois administratifs intermédiaires. En revanche, les emplois de faible complexité sont des emplois ouvriers et employés peu ou moyennement qualifiés. Et donc, les auteurs mettent la complexité des emplois en relation avec la dispersion de la productivité individuelle dans ces différentes catégories d'emplois. Ici, dispersion veut dire, de la productivité veut dire, c'est une mesure, on peut adopter soit la mesure par un écart type, techniquement c'est ce qu'on appelle la moyenne quadratique des écarts par rapport à la moyenne, ou alors c'est l'écart entre le sommet et la base, le 99e centile dans une distribution, c'est-à-dire le top 1%, et le premier centile de la distribution, c'est-à-dire le bottom 1%, ceux qui sont en bas de la distribution, en termes de performance, les plus performants et les moins performants, les 1% des plus performants et les 1% des moins performants. Les deux mesures sont utilisées dans l'article, écart à la moyenne et distribution du top 1% sur le top ou le bottom 1%. Et l'hypothèse, c'est que cette dispersion, cette ouverture de la productivité, ces inégalités de productivité, si vous voulez, augmente à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie de complexité des emplois. Et pour le montrer, les auteurs ont réanalysé les données d'une quarantaine d'études antérieures. C'est en fait un travail de méta-analyse. Et ils ont procédé aussi à une série de corrections et d'ajustements techniques des données pour les rendre exploitables avec un protocole homogène. Il est par exemple indispensable de contrôler des effets de sélection qui sont induits par des promotions aux emplois supérieurs, puisque ces promotions restreignent l'amplitude des différences individuelles si les promus détiennent effectivement des capacités supérieures à celles des non-promus et que donc la dispersion va se réduire. Voilà, ce sont une série de corrections comme ça et de contrôles qui ont été introduits. Une précision importante concerne cette notion de « output », c'est-à-dire ce à partir de quoi on mesure la productivité du travail des individus. Je ne vais pas entrer dans tout le détail technique de l'article, mais il faut signaler un fait intéressant. Plus on s'élève dans la hiérarchie des emplois, moins la notion d'output correspond à des quantités dénombrables de production physique, par exemple, ou de nombre d'actes de travail réalisés, ou même à des qualités de travail évaluables selon une échelle d'appréciation. Est-ce que vous avez réalisé vos objectifs, etc. Les auteurs indiquent en effet que pour la plupart des métiers les plus complexes, ils ont décidé de se fonder sur les revenus des individus pour estimer les outputs. Alors, si ces revenus sont des revenus libéraux, de profession libérale, évidemment, l'indexation des gains sur des outputs de travail est assez aisée à comprendre. La distribution des revenus peut effectivement constituer une assez bonne approximation de la distribution de la productivité individuelle. Un architecte, un avocat, un notaire, leur activité peut être mesurée ou la performance peut être mesurée par le chiffre qu'ils réalisent, si vous voulez. Après tout, un avocat a une horloge sur laquelle il appuie et il vous fait payer et il vous tarife sa consultation à l'heure éventuellement. Et donc, selon sa réputation, évidemment, le tarif variera à la minute, mais on peut imaginer des mesures de ce genre-là. Mais si ce sont des salaires, la corrélation entre la distribution des gains et celle de la productivité est très imparfaite, ou elle est plus imparfaite. Ce qui donc conduit les auteurs, d'ailleurs, à écarter les professions salariées complexes de leur échantillon. Je signale d'ailleurs que cet argument méthodologique entre en résonance assez directe avec l'évolution actuelle de la rémunération dans le secteur des high-tech, puisque les rémunérations des emplois supérieurs complexes résultent dans ce secteur d'une combinaison de rémunération fixe et de rémunération variable qui peut s'apparenter à une combinaison de salaire et de rémunération libérale indexée sur la productivité individuelle. Les trois principaux résultats de l'étude de Hunter, de Schmidt et de Judish sont les suivants. 1. L'écart entre le 1% des travailleurs les plus productifs et la moyenne de la productivité individuelle est de 52% pour les emplois de faible complexité, 85% pour les emplois de complexité moyenne, vous retrouvez ces données ici, donc, et 127% pour les emplois de complexité élevée. C'est donc McKinsey n'a fait que reprendre ces données tout en indiquant qu'ils avaient rafraîchi leur rapport de 2001 en 2012. Bon. Donc plus on s'élève dans la hiérarchie des emplois, plus la distribution de la performance individuelle devient asymétrique. Maintenant, je vais m'intéresser à une catégorie qui ne figure pas dans l'article de Judish, Schmidt et Hunter, c'est celle de la supercomplexité et des super différentiels de productivité. Le document de McKinsey ici ne mentionne pas la source de ce calcul qui conduit au coefficient de 800% par rapport à la moyenne des emplois dans les activités de très haute complexité, donc 800% par rapport à la moyenne des emplois. Le chiffre n'est pas sourcé, donc il est difficile de le commenter, mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'il circule de fait dans le monde de management comme circulent beaucoup de calculs de coin de table. Et ces calculs ont du reste des propriétés virales. Ils sont abondamment cités et repris comme des faits établis. Vous pouvez procéder à une brève exploration sur Internet où vous aurez un échantillon de ce genre de calcul qui est très éloquent. Je tiens en fait ce coefficient considérable pour symptomatique plutôt que démonstratif. Mais on retrouve dans l'article de Hunter, Schmidt et Judish un développement très suggestif qui permet de s'approcher du problème. Et sur un cas spécifique qui est traité à part, en dehors de la hiérarchie de complexité. Les trois auteurs ont en effet examiné les performances d'une catégorie, celle des life insurance salespeople, les agents qui vendent des contrats d'assurance vie. Et voilà une fonction qui, dans le vocabulaire des organisations, pourrait être appelée une fonction stratégique typique. Je vous rappelle que dans les phases de croissance économique soutenue, les commerciaux, les métiers de commerciaux, figurent toujours dans le haut du palmarès des emplois à forte pénurie de talents. On se dispute les très bons commerciaux. Et pour ces professionnels de la vente des contrats d'assurance vie, le coefficient de dispersion de la performance individuelle calculée par Hunter, Schmidt et Judish est trois fois supérieur à celui qui est observé pour les emplois de haute complexité. Donc on est sur la trace de ces chiffres, mais pas au même niveau. Le calcul peut d'ailleurs s'appuyer directement sur des données de productivité individuelle. En effet, ces personnels, ces commerciaux, sont des libéraux dans l'organisation. Leur rémunération est directement indexée sur leur chiffre d'affaires personnel et donc leur productivité peut être calculée sans beaucoup d'imperfections statistiques. C'est un des cas qu'aiment beaucoup les économistes quand ils veulent calculer la relation entre les gains et la productivité. Mais l'intérêt de prendre ce cas, d'analyser ce métier, il réside en fait dans un raisonnement que font les auteurs pour expliquer le niveau exceptionnel de dispersion des performances. Jusqu'au point où j'arrive, les résultats qui étaient présentés concernaient des emplois classés de manière ascendante et linéaire selon la complexité croissante des tâches à réaliser et essentiellement selon la détention de capacités de hard skills, si vous voulez, et parmi elles, des capacités cognitives requises pour exécuter ces tâches. Or, dans le cas des commerciaux, qui donc ont une dispersion de performance beaucoup plus élevée, la réussite résulte beaucoup plus manifestement d'une pluralité de facteurs. Les écarts très importants entre les plus talentueux et les autres s'expliquent même par cette combinaison multiplicative des facteurs. Il faut, disent les auteurs, de l'intelligence, une personnalité plaisante, assurément, et suffisamment de dynamisme pour conclure une vente. Chacun de ces trois traits que je viens de citer peut très bien avoir une distribution tout à fait normale. On peut être normalement intelligent, plaisant et énergique, mais c'est en fait leur combinaison multiplicative qui crée une distribution très déformée et très asymétrique. À une seule condition, c'est qu'aucune des qualités requises ne soit à la valeur zéro, ce qui détruirait les propriétés multiplicatives de la combinaison des qualités. Si vous multipliez quelque chose par zéro, vous imaginez le résultat. J'avais donné l'an dernier un exemple de ce raisonnement à propos de la production scientifique et des écarts de productivité dans la recherche, à propos d'un fameux article de William Shockley, qui était l'inventeur du transistor et qui s'interrogeait pour savoir pourquoi certains arrivaient à écrire de bons articles et pas d'autres. Et ici, on a une illustration de plus, mais qui est d'une portée un peu plus générale, ce qui permet d'ailleurs d'observer que, à ce point de l'analyse que je fais, que le contenu de la variable technique de départ, c'est-à-dire le degré de complexité d'une activité, en fait se déforme à mesure qu'on s'élève dans la hiérarchie des emplois. Le cas des agents d'assurance, pour singulier ou anecdotique qu'il soit, ne fait que mettre en lumière la composition variable des multiples facteurs qui sont responsables de la dispersion élevée de la performance. Les auteurs de cet article citent des caractéristiques individuelles cognitives et non cognitives. J'ai évoqué tout à l'heure les hard skills et les soft skills, mais il faut aussi ajouter des variables organisationnelles comme le degré d'autonomie ou de comportement discrétionnaire dans l'exercice de son travail, la qualité des partenaires dans le travail d'équipe, cette dernière variable offrant d'ailleurs des chances plus ou moins élevées à l'aptitude à la collaboration qui figure très haut dans la liste des soft skills. Donc, cette déformation de la variable job complexity interdit aussi de donner une interprétation strictement intellectualiste de la variable de la complexité. Si de toutes les variables qui sont prédictives de la performance dans le travail, les psychologues du travail nous assurent que ce sont en général les capacités cognitives qui ont le pouvoir explicatif le plus fort, on comprend aussi que la spécification même de ces capacités cognitives peut varier beaucoup avec les tâches, parce que, après tout, l'intelligence est multiple, elle peut être abstraite, créative, émotionnelle, psychomotrice, sociale, etc., pour faire écho à un célèbre livre de Howard Gardner qui s'appelle « Multiple Intelligence », et que le raisonnement peut donc ne peut pas être linéaire du fait des interactions entre les multiples facteurs hard and soft. Je vais revenir sur ce point dans un instant. Il y a un troisième résultat de l'étude de Hunter Schmidt et Judish qui mérite attention. La présentation de la variabilité des performances individuelles prend un relief encore beaucoup plus spectaculaire quand on considère l'écart non pas par rapport à la moyenne, mais l'écart entre les deux extrêmes de la productivité individuelle. Les 1% les plus productifs sont 3 fois plus efficaces, donc c'est 300%, que les 1% les moins productifs dans les emplois les moins complexes, mais sont 12 fois plus productifs dans les emplois moyennement complexes, si je prends l'écart maximal. Et les choses deviennent encore plus redoutables dans les high complexity jobs. Dans ces emplois, les performances les moins bonnes peuvent être carrément négatives. Autrement dit, le risque d'échec est plus élevé quand les tâches sont très complexes. Et d'après le calcul des auteurs, le rapport entre le sommet, le top 1%, et le bottom 1% est un rapport de 227 sur 0. Alors on peut s'interroger d'ailleurs pour savoir ce que veut dire une performance égale à zéro. Comme les auteurs se servent de données de rémunération, on peut travailler un peu et chercher une illustration. En fait, ça n'est pas absurde. Il existe des cas de performance négative ou égale à zéro dans des activités à forte variabilité, autrement dit des activités où la réussite est très incertaine. Il est connu, et je l'ai moi-même étudié et démontré, que un dixième des professionnels dans les métiers artistiques obtiennent la moitié des revenus qui sont annuellement distribués, et un cinquième concentre 80% des revenus. Donc vous voyez la symétrie de la distribution. Mais à l'autre bout de la distribution, il y a des individus dont les gains tirés de l'activité proprement artistique ou créatrice sont nuls ou négatifs. Négatif voulant dire net des dépenses qui sont faites pour exercer le métier. Autrement dit, ils dépensent plus qu'ils ne gagnent à exercer cette activité qui leur tient à cœur. Et ces artistes à revenus nuls ou négatifs sont plus nombreux que dans toutes les autres professions supérieures parmi lesquelles les artistes sont rangés. Je vous rappelle que les artistes sont classés parmi les professions supérieures. Ce qui explique d'ailleurs le recours fréquent à des métiers d'appui, enseignement, management, métiers sans rapport avec les arts, petits boulots, etc. Et donc, on peut bien dire qu'avec les activités de création artistique, nous avons affaire à une situation qui correspond à ce rapport étrange qui place en numérateur une performance extraordinairement élevée, pensez aux gains des artistes les plus connus, qui peuvent être absolument phénoménaux, au top 1%, et en dénominateur, nous pouvons trouver, pour le bottom 1%, effectivement des gains nuls ou même négatifs. Mais, comme vous le savez, un rapport qui a pour dénominateur la valeur 0 est une anomalie mathématique. Diviser un nombre par 0 est normalement dépourvu de sens, du moins quand il s'agit de nombres réels et pas de nombres complexes. En revanche, l'opération peut être justifiée par un calcul aux limites. En mathématiques, en analyse, on donne alors le sens suivant à un quotient 1 sur x. Si x désigne un nombre réel non nul, le quotient 1 sur x tend vers l'infini à mesure que x se rapproche de 0. Et donc le genre de ratio que je viens d'évoquer, le rapport entre le top 1% et le bottom 1%, se rapproche de cette situation. Et ce ratio a souvent été utilisé dans les argumentaires managériaux pour légitimer des stratégies de différenciation de la main-d'œuvre et les bénéfices à tirer des opérations bien réalisées de recrutement de la main-d'œuvre dans des emplois complexes. Les cours du Collège de France, vous venez d'écouter le 9 mars 2018 le cours de Pierre-Michel Minger, High-tech et talent, aujourd'hui partie 1. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Pierre-Michel Minger. Je rappelle son dernier ouvrage, dirigé avec Simon Paille aux éditions du Collège de France, Big Data et traçabilité numérique, les sciences sociales face à la quantification massive des individus. Prise de son, mixage, Jean-Michel Bernot. Réalisation, Ghislaine David. Iconographie web, Claire Poinsignon. Présentation, Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons notre enquête autour de la notion du talent en compagnie de Pierre-Michel Minger et il sera question de l'esprit prométhéen de la Silicon Valley. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture.